Ok, bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. Donc on continue notre cours dans le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, avec l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Qurrat Uyun al-Muwahidin, et les commentaires de Cheikh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, sur ce livre. Et on est en train de lire maintenant l'explication de cette parole de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, rapportée par Ibn Abi Hatim, sur le fait que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne croient en Allah, excepté que en étant des mushrikoun, c'est-à-dire ils font le shirk dans al-ibadah. Donc ils croient en la rububiyya, mais ils font le shirk dans l'ibada. Et il a cité cette parole-là après avoir arraché ou coupé une amulette que quelqu'un portait sur lui. Et il a coupé cette amulette pour lui enlever. Et il a mentionné ce verset-là ensuite pour expliquer que ça fait partie du shirk. Donc on était en train d'expliquer tout ça au dernier cours et... à la fin, on lisait l'explication de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan lorsqu'il dit يعني, وَمِمَّا تَقَدَّمَا التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ يعني, وَلَكِنْ لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ بِهِ وَقَعَ مِنْهُمْ أَعْظَمَ مِمَّا وَقَعَ مِنْ مُشْرِكِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ. Donc il explique le cheikh que yani, beaucoup de gens sont tombés dans le shirk à cause de l'ignorance et certains musulmans sont tombés dans des formes de shirk qui sont même parfois plus graves que celles des non-musulmans dans l'époque pré-islamique, à l'époque de la jahiliya. Hein? Donc c'est pour dire à quel point c'est grave. Et il dit, on a donné des exemples de ça dans ce qui a précédé. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet... Il dit, voilà chaque an nas idha ahmalu al kalam fi al shirk wa tafasilihi fa innahum yaqa'una fihi li'annahum idha ma arafta al khatar wa ma arafta al makan al makan al halak fa hari an taqa' fihi la siyama wa al du'atu ilayhi yanshitun aw nashitun yani wa al shirk mawjudun يشجع من قبل الكفار الكفار الآن يدعون دعاة يدعمون أو يدعمون يدعمون دعاة الشرك دعما هائلا و يعني يدعمون الفرق الضالة ودعاة البدع ويثبتونهم في المناصب كل هذا من أجل اجتثاث الإسلام من أصله لأنه إذا ذهب التوحيد ما بقي الإسلام ولو يصلي الليل والنهار ويصوم ويحج ويعتمر ويبذل الأموال وهو على غير توحيد ما أفاد شيئا هذا من مكائد الكفار يعني هذا من مكائد الكفار بنا الآن الذين يدعو إلى التوحيد يعني يسمونه إرهابيا أو متطرفا أو أصوليا أو خارجيا إلى غير ذلك من الألقاب للتنفير من دعاة التوحيد ودعاة العقيدة. Donc le cheikh il explique et il dit que y a pas de doute que les gens lorsqu'ils néglige le fait de clarifier, d'expliquer le shirk et de détailler sur la réalité de ce que signifie le shirk, c'est certain qu'il risque de tomber dans le shirk lui-même. Il dit pourquoi? Parce que lorsque tu ignores un danger, lorsque tu ignores l'endroit dangereux, un endroit dangereux, tu sais pas où est-ce que c'est. Tu risques de tomber dedans. Tu risques de tomber dans ce danger-là. Hein? Et en particulier, que les gens qui invitent et qui font de la da'wah pour le shirk, ils sont très actifs. Hein, les gens qui font de la da'wa pour le shirk et qui invitent les gens au shirk et au bid'a, ils sont très actifs, hein, très motivés. Et il dit que le shirk, il est présent, hein, il est très présent le shirk. Et en particulier que les kuffars encouragent, hein, les kuffars, ils encouragent les gens qui appellent au shirk et ils encouragent, des gens, ces prêcheurs, des prêcheurs ou des gens qui appellent à des bid'ah ou à du shirk, et ils les financent même. C'est-à-dire qu'ils leur donnent même de l'argent pour les aider à avancer dans leur da'wa et à propager le shirk, hein, parmi les musulmans. Il dit qu'ils leur donnent une grande aide économique et ils financent également les différentes sectes égarées pour qu'ils, justement, fassent leurs égarements, propagent leurs égarements parmi les musulmans. Et ils essaient même de leur donner des statuts, des positions importantes. Hein. Donc les kuffars, ils financent ces sectes et ils leur donnent des positions, hein, des statuts importants dans les différentes organisations ou dans les différents pays. Hein. Ils les aident à atteindre certains postes ou certaines positions dans le but de déraciner l'islam de la base, hein, de détruire l'islam à partir de ses fondements. Parce que le cheikh, il dit que si on enlève le tawhid, eh bien, il ne restera plus d'islam. Il dit même si quelqu'un, il va continuer à prier jour et nuit, à faire le jeûne du ramadan, ou à faire le hajj, ou à faire la umrah, et des choses de ce genre, et allez, tout ça, ça ne veut rien dire et ça ne sert à rien si c'est pas basé sur le tawhid. Donc ça fait partie des ruses des kuffars, hein, et ça, c'est les ruses qu'ils font maintenant contre les musulmans. Ils essaient de les éloigner du tawhid, hein, et de leur dire, hein, continuez à pratiquer l'islam, mais laissez le tawhid, abandonnez le tawhid. Donc ça veut dire quoi? On va être sur les différentes croyances des différentes sectes d'égarement qui contredisent le tawhid et la sunna, et puis après, hein, on continue à se prétendre ou à croire qu'on est musulman sans savoir qu'en réalité on est en dehors de l'islam. Et il dit le cheikh que ça fait partie de leur ruse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les musulmans qui appellent au tawhid, hein, et ça on le voit en France clairement maintenant, hein, tout musulman qui appelle au tawhid et qui explique le tawhid, il le qualifie de terroriste ou d'islamiste, hein, ou d'extrémiste ou de fondamentaliste ou d'intégriste, hein, ou de khariji, ou il trouve toutes sortes de termes, hein, et d'appellations, hein, pour les qualifier. Pourquoi? Pour faire peur aux gens, pour faire fuir les gens de ceux qui appellent au tawhid et ceux qui appellent à la aqida. Hein? Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont essayer de leur faire signer des documents pour dire, bon, tu veux être imam? D'accord, tu veux être imam, sauf que tu ne dois pas parler de tawhid. Tu ne dois pas dire aux gens qu'est-ce que c'est le tawhid. Tu ne dois pas expliquer aux gens qu'est-ce qui est kufr. Tu ne dois pas expliquer aux gens qu'est-ce qui est shirk. Tu ne dois pas expliquer aux gens qu'est-ce qui est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et il ne faut pas leur dire, hein, que tu dois détester qu'est-ce qui est kufr, ou détester les kuffars, ou détester les bid'ah, et détester le shirk et les mushrikin. Non. Il faut que ce soit une da'wa qui est en accord avec nos valeurs, soi-disant nos valeurs républicaines qui sont contraires à l'islam. À la kulli hal, yani, ça c'est pas seulement en France, il y en a dans d'autres endroits aussi où c'est comme ça. Et à la kulli hal, dans tous les cas, yani, ça c'est, il faut savoir que ça fait partie des ruses des kuffars et des ennemis des messagers des prophètes. Et ils ont toujours essayé justement de faire ça pour éloigner les gens de la vraie religion d'Allah, la religion du tawhid, et qu'il est du devoir donc des prêcheurs, des ulama et des gens qui appellent à l'islam de faire plus d'efforts encore pour être actifs, pour faire connaître aux gens la réalité de l'islam et de la sunna et de clarifier les réalités des enseignements des prophètes à l'humanité. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, « Hatta inna kathiran min al-ulama fi hadhihi al-qurun, ishtadda nakiruhum ala man ankara al-shirk al-akbar, fasaru hum wa al-sahaba radiyallahu anhum fi tarafay naqid. » Donc le cheikh, il explique que même parmi ceux qui sont considérés comme étant des ulama à notre époque, ils condamnent avec beaucoup de force ceux qui critiquent le shirk majeur et qui condamnent le shirk majeur. Donc les prêcheurs et les ulama qui appellent au tawhid, ces gens-là qui sont considérés comme étant des ulama, les critiquent. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces savants-là ne sont pas des vrais savants en réalité. C'est des faux savants. Si un savant, il n'aime pas qu'on condamne le shirk, et qu'il n'aime pas qu'on réfute les mouchriquines, ça veut dire que ce n'est pas un savant de l'islam. C'est pas un savant de l'islam. Comment un savant de l'islam pourrait opposer celui qui appelle au tawhid et qui condamne le shirk? Comment? C'est pas possible. À moins qu'il n'ait pas sur la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam, le vrai. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, si tu vois des choses comme ça, ça veut dire que ces gens-là, ils se sont opposés aux sahaba. Pourquoi? Parce que des sahaba comme Hudayfa ibn al-Yaman, ils ont vu un homme avec un gris-gris ou une amulette, tout de suite, ils l'ont arraché. Ils ont dit, enlève ça, direct, enlève ça de toi, là, ça c'est du shirk. Si tu meurs avec ça, t'es fini. Mais aujourd'hui, certains qui se sont considérés par les gens comme étant des ulama, ils disent, non, ça c'est pas du shirk, il n'y a pas de problème, continue à faire ça, a'udhu billah. Donc c'est ça le danger à notre époque. Et le cheikh, il dit ensuite, فالصحابه donc شيخ الفوزان il commente sur ce point là il dit هذا كلام الشيخ وهو في القرن الثالث عشر وفي وقته اشتد نكير من يسمون بالعلماء على دعاة التوحيد يسمونهم بالخوارج ويضللون دعاة التوحيد هذا موجود في كتبهم الان. Donc le cheikh il dit, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan fait partie des savants du 13e siècle, c'est-à-dire 13e siècle selon la Hijra. Et il dit, à leur époque, beaucoup de gens qui étaient considérés par les autres comme étant des ulama, ils condamnaient, critiquaient beaucoup les gens qui appelaient au tawhid, parmi les ulama du tawhid et de la sunna, et ils les appelaient des khawarij pour faire peur aux gens. Ils disaient, ces ulama du tawhid qui appellent au tawhid et à la sunna, ce sont des khawarij. Et il les considérait comme étant des égarés. Pourquoi il les considérait comme des khawarij? Parce que il disait, ces gens-là, ils font le takfir des musulmans. Alors qu'en réalité, les ulama du tawhid, ils ne font pas le takfir des musulmans. Ils font le takfir des mouchriquins et des kuffars. Donc, parce que eux, ces soufis, ils ont accepté le shirk et ils ont approuvé le shirk, ils ont dit oui, adorer les tombes, c'est pas du shirk, c'est du respect pour les hommes pieux, et vénérer les tombes, c'est pas haram, c'est permis, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Ceux qui ils disent, ceux-là ils disent que adorer les tombes c'est pas permis, ça c'est des wahhabiyya, ça c'est des khawarij, ils font le takfir des musulmans, alors que en réalité c'est faux. Mais c'est comme ça que les gens deviennent complètement mélangés dans leur religion, parce qu'on les confond, on leur fait devenir confus dans leur compréhension des fondements de l'islam. Et on leur mélange le vrai et le faux de telle manière que par la suite, ils ne sont plus capables de distinguer entre qu'est-ce qui est l'islam et qu'est-ce qui n'est pas l'islam. Qu'est-ce qui est le tawhid et qu'est-ce qui est le shirk? Les gens, ils savent plus. Qu'est-ce qui est sunna et qu'est-ce qui est bid'a? Les gens, ils sont tous mélangés après avec ça. Donc, ils voient des gens qui vont adorer des tombes, ils vont faire le tawaf autour d'une tombe, ils vont sacrifier des animaux, un animal pour la tombe, et là, après, ils disent, mais oui, ça c'est permis. Ils entendent des ulama qui leur disent, oui, ça c'est permis, ça c'est bien. Alors, ils vont dire, ah, mais eux, c'est des ulama, comment ça ils disent que c'est bien? Ça veut dire que c'est bien. Hein? Et quand ils entendent les ulama de la sunna, qui appellent au tawhid, qui leur disent, non, non, non, ça c'est du shirk, faites attention, ça c'est shirk billah. Et ils ramènent les preuves avec les versets et les hadiths. Là, les autres, ils commencent, écoutez pas ces gens-là, c'est des khawarij, c'est des wahhabiyya, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'ils jouent avec les gens, ils leur font peur, ils leur disent des mensonges et ils veulent les effrayer pour les faire éloigner de la science, éloigner des ulama, des vrais ulama. C'est pour ça qu'il faut vraiment être fort à notre époque et il faut vraiment être sincère et il faut faire des efforts pour apprendre la religion à partir des fondements, des bases, des textes du Coran et des hadiths pour vraiment comprendre la religion comme il faut. Parce que si tu te bases juste sur qu'est-ce que les gens racontent sans retourner aux preuves, alors là c'est sûr que tu vas être perdu. Hein? Et le cheikh Al-Fawzan, c'est ce qu'il dit. Il explique ça maintenant. Il dit, si tu regardes les paroles des ulama qui ont expliqué le tawhid, ils parlent justement de toutes les oppositions qu'ils ont dû affronter dans l'appel au tawhid depuis l'époque. Du Cheikh, par exemple, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et même avant, à l'époque d'Ibn Taymiyyah, c'était la même chose. Il y avait une catégorie des gens de bid'a, parmi les soufis, les ash'a'ira, qui défendaient les bid'a, qui voulaient opposer Ibn Taymiyyah et ses élèves. Donc il y a beaucoup d'exemples de ça. C'est pas nouveau, d'accord? Donc il faut s'accrocher fort pour rester sur la vérité. Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, As-Sahaba yunkiruna ash-shirk al-asghar, wa ha'ula yad'una ila ash-shirk al-akbar. فصاروا في طرفي نقيض مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حذيفة بن اليمان قطع الخيط وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مع أن تعليق الخيط من الشرك الأصغر وهؤلاء يدعون إلى الشرك الأكبر صراحة باسم محبة الأولياء والصالحين والإيمان بكراماتهم وأنهم يكونون وسائط بينهم وبين الله فيسمون الشرك بغير اسمه. Donc ici le cheikh il dit que les sahaba, eux, ils condamnaient le shirk majeur et le shirk mineur. Et il dit aujourd'hui, tu vois ces gens-là qui se disent ulama, beaucoup d'entre eux par exemple qui sont sur la bid'a, ils défendent le shirk majeur et ils disent que d'adorer les morts et les tombes, c'est pas du shirk. Donc ils sont en opposition avec les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dans cette narration, dans cet athar, il coupe l'amulette ou la corde que la personne elle porte pour se protéger contre une maladie ou contre le mauvais œil ou des choses comme ça. Et il cite le verset 106 dans sourate Yusuf qui mentionne justement ce que Allah subhanahu wa ta'ala signifie dans ce verset, que la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun. Pourquoi? Parce que ils disent je crois en Allah, le créateur, mais ils mettent sa confiance en une porte-bonheur ou une amulette ou une corde ou un collier ou un bracelet ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit ça c'est un exemple de shirk mineur, s'il porte cet objet en pensant que c'est une cause, ça c'est une forme de shirk mineur. Et malgré ça, le verset que Hudhayfa a mentionné, c'est un verset au sujet du shirk majeur. D'accord? Et ça, c'est pour dire que parfois, les sahaba, ils utilisent des versets qui parlent du shirk majeur et ils l'appliquent sur le shirk mineur ou bien ils l'utilisent contre le shirk mineur aussi. Parce que le shirk, de toute façon, qu'il soit majeur ou mineur, dans les deux cas, c'est du shirk quand même. Donc, le cheikh, il explique que ceux-là, donc les gens aujourd'hui qui appellent au shirk majeur et qui acceptent qu'on adore les tombes et des choses de ce genre, eux, ils disent pas que c'est du shirk. Si tu leur demandes, est-ce que ça c'est du shirk, ils vont dire non, non, c'est pas du shirk. Ça c'est de l'amour pour les hommes pieux, pour les awliya, pour les sayyids, on les aime. Donc ça c'est notre amour pour eux, on leur montre notre amour. Et ils disent que Par exemple, ça c'est des karamates qu'ils font quand on va aller les invoquer, on va être guéri. Hein, si on est malade, ils vont nous guérir, les awliyas. Ça c'est des karamates, hein, et ainsi de suite. Et ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, et ils font du shirk, mais ils vont pas l'appeler shirk. Ils vont l'appeler, hein, vénérer les morts, respecter les morts, avoir de l'amour pour les morts, et ainsi de suite. Mais c'est des jeux. Ils jouent avec les mots, hein. Ils jouent avec les réalités. C'est comme par exemple, quand une fois j'ai discuté avec des chrétiens, justement pour montrer comment j'ai trouvé, par exemple, j'ai trouvé sur internet sur des photos, par exemple des catholiques qui prient Marie et qui adorent des statues de Marie, et tu vois les différents papes qui se mettent à genoux devant la statue de Marie pour prier à Marie. Et quand j'ai mis ces exemples de photos là pour montrer leur shirk, eh bien, un chrétien qui me répond et qui me dit, oh, mais non, ça c'est pas de l'adoration, ça c'est juste vénérer, hein, les statues des saints, des hommes pieux et de la Vierge Marie, et ainsi de suite. C'est pour les vénérer, pour montrer le respect. Donc, en réalité, c'est de l'adoration. Mais ils l'appellent pas adoration parce qu'ils savent que adorer, c'est quelque chose qui amène à l'idolâtrie. Hein, si tu adores une statue, ça c'est de l'idolâtrie. Ils savent ça. Mais parce qu'ils ont justement compris que c'est de l'idolâtrie, ils essaient de changer le nom, de l'appeler une autre façon. Comme si de l'appeler par un autre nom, ça va le rendre halal. C'est comme par exemple les koufars, par exemple, qui font le zina. Ils vont faire le zina, mais ils vont l'appeler faire l'amour. Hein, ils vont dire, on fait l'amour. Alors que c'est du zina. Hein, a'udhu billah. Et la même chose pour la sodomie ou les autres choses de haram qu'ils font. Allah al-musta'an. Ils vont pas l'appeler sodomie, ils vont l'appeler l'amour. Hein. Donc c'est pour dire, l'alcool, la même chose, ils changent le nom. La drogue, ils changent le nom. N'importe quelle chose haram qu'ils font, ils changent le nom pour le rendre acceptable, pour que ça devienne quelque chose, hein, qui a l'air quelque chose de bien. Même à l'époque, les femmes qui faisaient la prostitution, ils les appelaient pas des prostituées, ils les appelaient des courtisanes, hein, des courtisanes. Ça fait plus respectueux, ça fait plus joli, mais ça reste que ce sont des prostituées quand même. Hein. Donc tout ça pour dire que les gens, ils ont toujours tendance à changer le nom des choses, à appeler des choses par un nom. Et ils ne respectent pas la réalité de cette chose-là. Beaucoup de femmes aujourd'hui, par exemple, elles disent, elles portent des pantalons. Si tu vois leurs pantalons, c'est pas des pantalons. Hein? Alors que tu sais, par exemple, en islam, la femme musulmane ne porte pas des pantalons pour marcher dehors. Hein? Mais encore là, même certaines qui vont dire, oh non, je vais porter des pantalons pour aller dehors, elle porte un foulard sur ses cheveux, elle met des pantalons. Et les pantalons, à la base, c'est pas permis de le porter comme un vêtement pour marcher dans la rue avec. À moins que tu vas mettre par-dessus un djilbab. Si tu vas mettre un djilbab par-dessus, même il y a des ulama qui ont dit c'est mieux que la femme elle porte en dessous de son djilbab un pantalon, au cas où, si elle tombe, on va pas voir ses jambes. Hein? Mais maintenant, c'est rendu que les femmes, maintenant, elles sortent dehors avec des pantalons. Elles mettent pas le djilbab par-dessus. Et elles pensent que c'est correct. Hein? Et il y en a, c'est pas des pantalons qu'elles portent. C'est des comme des trucs moulants, là, des collants. Hein? D'autres, ils appellent ça aussi des leggings. Hein? Donc ça, c'est pas des pantalons, mais ils appellent ça pantalons. Hein? À la kulihal, pour dire, c'est une réalité. Ils changent le nom des choses pour essayer de faire croire qu'ils sont sortis du jugement. Alors que quand quelque chose est haram, même si tu changes son nom, c'est haram, ça reste haram. Ensuite, le cheikh, il explique quoi d'autre encore? Donc, on avait lu ce passage-là, donc il dit ensuite فَالصَّحَابَ يُنْكِرُونَ الْقَلِيلُ مِنَ الشِّرْكِ وَهَؤُلَاء يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ وَيَجْعَلُونَ النَّهِي عَنْ هَذَا الشِّرْكِ بِدْعَةً وَضَلَالَةً وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم يعني فيما بعثوا به من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده فالنهي عن الشرك به وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله فعكس هؤلاء المتأخرون وما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ففي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباءكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة سبحان الله donc ici le Cheikh عبد الرحمن بن حسن il termine ce chapitre en disant que les sahaba, ils condamnent toute forme de shirk, même les petites formes de shirk, ils les condamnent. Tandis que ceux aujourd'hui qui se disent ou qui sont considérés par certains comme étant des ulama, quand tu interdis le shirk, ils te condamnent. Ils disent « Ah, ça c'est une bid'a » ou « Ça c'est de l'égarement parce qu'on interdit le shirk. » Subhanallah. Donc ils ont fait de l'interdiction du shirk une bid'a et un égarement. Subhanallah. Il dit de même que c'est ce qu'on a vu de l'état des prophètes et des messagers avec leur nation et leur peuple lorsqu'ils ont été envoyés avec le tawhid et avec le fait de purifier l'adoration pour Allah seul et l'interdiction du shirk. Ça, c'est quelque chose qui est clair dans l'enseignement des prophètes et des messagers. Donc, comment ces gens-là peuvent-ils dire que d'appeler au tawhid et d'interdire le shirk, c'est une bid'a et un égarement? Alors que les messagers ont tous été envoyés avec ça, et en particulier le dernier des messagers, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a combattu les mushrikines, il a combattu le shirk qu'il faisait. Et tous les prophètes avant lui, c'était la même chose. Donc c'est le contraire de ce qu'on voit de la part de ceux qui aujourd'hui sont considérés par certains comme étant des ulama et qui s'opposent à ce à quoi appelait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce à quoi le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a appelé les mushrikines parmi les Arabes et autres également. Et donc, ils défendent le shirk et ils condamnent le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés. Donc ça, c'est étonnant de voir des gens qui opposent même le message fondamental de tous les messagers que Allah a envoyés à l'humanité. Et malgré tout, ils se considèrent malgré tout comme étant des musulmans. Et pire que ça encore, ils se considèrent comme étant des savants de l'islam. Allah al-Musta'an. Et ça, on en retrouve aussi plein. Surtout ceux que parmi les gens que les koufars ont établi comme étant soi-disant spécialistes ou islamologues ou spécialistes de l'islam, subhanallah, c'est incroyable comment ils ont fait de qu'est-ce qui oppose l'islam, ils en ont fait une base dans l'islam, et qu'est-ce qui est obligatoire dans l'islam et qu'est-ce qui est le fondement de l'islam, ils en ont fait une innovation, une bid'a ou un égarement. Subhanallah. Et donc le cheikh il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé les mushrikines de Quraysh hein, il leur a dit, dites « La ilaha illallah », vous allez avoir le succès. Hein, vous aurez le succès. Hein, vous allez réussir. Et parce que la vraie réussite, c'est de réussir par rapport à l'au-delà, hein, d'arriver au paradis. Et si on dit « La ilaha illallah » avec la compréhension et l'application, eh bien là, ça devient la clé, une clé pour le paradis pour nous. Et c'est donc le succès. Donc, une fois qu'on a compris la signification pour laquelle cette parole a été établie, et qu'est-ce qu'on veut dire par cette parole-là? Eh bien, pourquoi on dit ça? Parce que les mouchrikoun, eux, ils ont compris qu'est-ce que ça signifiait, la ilaha illallah, et ils ont compris qu'est-ce que ça impliquait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont même pas voulu le dire, à cause, justement, qu'ils n'étaient pas prêts à faire ce que cette parole leur exigeait de faire. Ils ne voulaient pas cesser d'adorer les idoles. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet dans le verset 5 dans Sourate Sad, est-ce qu'il a fait de nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire qu'on doit arrêter d'adorer tout ce qu'on adore, on doit arrêter de les adorer. Et on doit uniquement se limiter à adorer Allah seul? Ça, c'est une chose étonnante. Ils ont trouvé ça comme étant choquant, hein, de devoir abandonner l'idolâtrie et de devoir cesser d'adorer, hein, leur divinité, hein, et leurs intermédiaires qu'ils ont établis entre eux et Allah, et ainsi de suite. Donc, et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement leurs propos, hein, à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les cite dans le verset 35 et 36 dans Sourate Saffat, lorsqu'ils ont dit, ces gens-là, lorsqu'on leur disait, hein, la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Créateur, eux, ils s'enflaient d'orgueil en entendant cette parole. Hein, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos divinités pour un poète fou? Hein, à cause d'un poète fou, on va arrêter d'adorer nos idoles? Donc, ils n'étaient pas contents d'entendre la ilaha illallah. Et ils comprenaient que ça impliquait d'abandonner les idoles. Aujourd'hui, tu dis à certains, hein, arrêtez d'adorer les tombes, ils te disent, mais non, pourquoi on va arrêter d'adorer les tombes? Hein? Il n'y a rien de mal là-dedans. Alors qu'ils disent, la ilaha illallah. Et les mouchriquines, eux, ils refusaient de dire, la ilaha illallah, parce qu'ils ne voulaient pas arrêter d'adorer, hein? Ils ne voulaient pas devoir cesser d'adorer les idoles. Aujourd'hui, ces gens-là, ils disent, c'est certains gens qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah jour et nuit et qui adorent des tombes et des morts et des gens qu'ils considèrent comme awliya, ils les prient en dehors d'Allah, ils les adorent en dehors d'Allah et puis ils disent, hein, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Il n'y a rien. Hein, c'est pas qu'on croit que Allah c'est le seul créateur, donc c'est pas du shirk. Hein, ils n'ont pas compris la réalité de la ilaha illallah. Et c'est ça que le cheikh explique. Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à ça. Et juste avant ça, le cheikh, il a cité un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, qui mentionne la question que Héraclius avait posée. Hein, c'était l'Empire romain ou le gouverneur romain de l'époque. Abu Sufyan était allé le voir et Héraclius avait posé la question à Abu Sufyan à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il vous ordonne? Alors qu'est-ce qu'il a dit Abu Sufyan? Il nous dit d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui dans notre adoration et de délaisser ce que disaient nos ancêtres, nos parents. Et il nous ordonne de faire la salat et de donner l'aumône, sadaqa, et de faire preuve de chasteté et de garder les liens de parenté. Donc ça, c'est le résumé justement de la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques points, il commente quelques points ici et on va terminer le chapitre, hein, avec ces commentaires-là. Il dit... يعني ليس هذا بغريب لأنه اتخذ مع الرسول عليه الصلاة والسلام أتنهانا أن نعبد ما نعبد ما أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني التوحيد شيء عجاب، الشرك شيء مألوف، هذا من انتكاس الفطر. ففعل هؤلاء المتأخرين سبحان الله عود على بدء، يعني ليس بغريب، قالوا مثل سلفهم من أعداء الرسل. Donc le cheikh il explique que les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés au tawhid, ils n'ont pas accepté ça, ils n'ont pas aimé ça, parce qu'ils voulaient continuer l'idolâtrie. Alors ils ont dit, est-ce que tu veux nous interdire d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Et ils disent, nous sommes dans un grand doute vis-à-vis de ce à quoi tu nous appelles. Et ça, c'est le verset 62 dans Surat Hud. Et le verset 5 dans Surat Sad qu'on a lu tout à l'heure, les mushrikoun, ils disaient, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Il veut qu'on délaisse toutes nos divinités pour qu'on adore Allah seul? Ça, c'est une chose étonnante. Donc, pour eux, le tawhid, c'est une chose étonnante. Et le shirk, c'est une chose acceptée. C'est une chose normale. C'est comme si pour dire, la normalité, c'est d'être mushrik. Et la chose étonnante, qui est anormale pour eux, c'est d'être sur le tawhid. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est rendu comme ça la vie pour eux. Tout ce qui est en accord avec la religion d'Allah et l'enseignement des messagers d'Allah, ça c'est pas normal. Ah, t'es pas normal toi? Tu pries 5 fois par jour, t'es pas normal? C'est pas normal? Tu te voiles de la tête aux pieds, ça c'est pas normal? Tu laisses pousser ta barbe, c'est pas normal? Tu crois en Allah, c'est pas normal? Mais si tu fais de shirk, ça c'est normal. Tu vois des gens, subhanallah, tu rentres dans un magasin ou un restaurant, ils mettent une petite statue par terre avec des chandelles, ils donnent une banane, une orange à la statue, avec un petit verre de thé, une canette de coca. J'ai même vu une fois une canette de coca, ils ont donné à l'idole. J'ai dit, subhanallah, ça c'est normal ça. Les gens ils rentrent, ils disent rien. Comme si c'est normal. Mais, un musulman qui prie dans la mosquée, qui fait sa salade, ça c'est pas normal. Ça, c'est, ou même s'il le voit prier dehors, avec son tapis sur le trottoir, ou bien dans la rue, il fait sa salade. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça c'est pas normal, pourquoi il fait ça? Mais s'il y avait une grosse statue devant lui, là, il dirait, ah oui, ça c'est bien, ça c'est la culture. C'est le respect de la tradition. A'udhu billah. Mais quand tu adores Allah seul, tu n'associes rien, tu ne fais pas de shirk. Non, ça c'est pas normal. Il faut faire le shirk. A'udhu billah. Donc c'est ça la réalité maintenant. Si tu fais des bid'a, c'est normal. Tu fais des bid'a, tu célèbres le maulid, tu vas à la tombe des morts. Tu chantes des chansons dans la mosquée, tu fais de la musique dans la mosquée, tu sautes, tu danses, tu roules, tu tournes, ça c'est normal. Mais tu dis non, ça c'est pas bien, ça c'est bid'a. Ah, ça c'est, toi t'interdis les bid'a, ça c'est pas normal. Pourquoi t'interdis les bid'a? Pourquoi t'interdis le shirk? Ça c'est pas normal d'interdire le, il faut pas interdire le shirk. C'est comme ça que ces gens-là pensent. Aujourd'hui. Donc le cheikh, c'est ça qu'il explique. Il dit, regardez ces gens-là. Quand tu appelles au tawhid, il dit, c'est une chose étonnante. Et quand tu appelles au shirk, ça c'est normal. Il dit, c'est parce que les gens, leur nature, elle est devenue corrompue. Et leur fitra, elle est corrompue. Et c'est ça qu'on voit maintenant. Si on retourne au début, les gens d'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont retournés à l'état dans lequel ils étaient comment les mushrikines étaient à l'époque de la jahiliya. Donc pour eux, ce que leurs ancêtres, les mouchriquines, considéraient étonnant, eux, ils le trouvent étonnant. Le tawhid, ils le trouvent étonnant. Hein? C'est choquant, c'est étonnant, c'est pas normal. Mais le shirk, les bid'ah, tout ça, ah oui, ça c'est normal, ça. Ça c'est bien. Hein? Aujourd'hui, c'est ça que les gens ils veulent. Le shirk, les bid'ah. Hein? Allah musta'an. Et il dit le cheikh ensuite, à propos de. Il y en a du verset dans Surat As-Saffat, verset 35 et 36. Hein? Lorsqu'on leur disait de dire La ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Hein? Rien ne doit être adoré excepté Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Là, ils s'énervent, ils se mettent en colère, ils s'enflent d'orgueil. Hein? Comment ça? Hein? Tu veux qu'on arrête d'adorer ce que nos ancêtres ont adoré pendant des années, des siècles, des générations? Hein? C'est toi qui sais mieux? A'udhu billah. Alors, le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, هم يعرفون معنى لا إله إلا الله بأنه ترك عبادة ما سوى الله وهؤلاء المتأخرون ممن يدعون الإسلام لا يأنفون من قول لا إله إلا الله وعبادة غير الله ويجمعون بين النقيضين. Donc c'est ça, il dit les mouchriquins, ils savaient que la ilaha illallah, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors à cause de ça, ils l'acceptaient pas parce qu'ils voulaient pas cesser d'adorer des idoles. Ils voulaient continuer l'adoration des idoles et l'adoration des choses en dehors d'Allah. Tandis que les mouchriquins à notre époque, qui se disent musulmans, qui disent « La ilaha illallah » jour et nuit, mais qui continuent à prier à des tombes et à prier à des morts et à adorer des morts et à porter des gris-gris et des amulettes et toutes sortes d'autres formes de shirk, hein, tu leur dis, dites la ilaha illallah, ils le disent la ilaha illallah. Donc le problème, c'est pas dans le fait de le dire pour eux, mais de savoir qu'est-ce que ça signifie et de comprendre qu'est-ce que ça implique. Donc comment vous pouvez dire la ilaha illallah puis adorer d'autres que Allah en même temps? C'est comme si, hein, tu te contredis complètement. Tu te contredis complètement. Tu dis la ilaha illallah. Ça veut dire, rien mérite d'être adoré, excepté Allah. Après, tu te tournes, tu vas adorer d'autres que Allah. Tu vas adorer des tombes. Tu vas adorer des morts. Tu pries à des saints ou des hommes pieux. Ou à des messagers, ou à des prophètes, ou à des anges, ou à des djinns. Puis tu dis, mais oui, il n'y a pas de contradiction. Mais oui, il y a une grande contradiction. Tu es supposé d'adorer Allah seulement. Personne d'autre que Allah. Seulement Allah. Personne autre que Allah, juste Allah. Allah seulement, le Créateur seulement. Personne avec lui. Juste Allah que tu dois adorer. Juste Allah que tu dois prier. Juste Allah que tu dois craindre. Juste Allah que tu dois aimer. Juste Allah sur qui tu dois mettre ta confiance. Allah seulement, rien d'autre que Allah. Alors que toi, non. Toi, c'est Cheikh Fulan, et Cheikh Fulan, et Sidi Fulan. Et s'il dit un tel, et un tel, et un tel, hein, et la tombe d'un tel, et la tombe d'un tel, hein, il y a combien de tombes encore, hein, que tu vas adorer en dehors d'Allah? Est-ce que c'est la tombe qui a créé les cieux et la terre? Pourquoi tu vas adorer les tombes? Pourquoi tu n'adores pas Allah seulement? Donc c'est ça le malheur. Et le cheikh, il termine par rapport à la parole de Héraclius, hein, Héraclius. Et la réponse de Abu Sufyan, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: وهذا جواب أبي سفيان وهو كافر في ذاك الوقت لما سأله هرقل ما استطاع أن يكذب لأنهم يخافون من الكذب وهم مشركون ويأنفون من الكذب يعني فبين له حقيقة دعوة الرسول أو حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هرقل هكذا دعوة الأنبياء مع أنهم كلهم كفار إلا أنهم اعترفوا هذه دعوة الأنبياء. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il termine donc, et on va conclure ce chapitre avec ça. Il dit ici que la réponse d'Abu Sufyan, alors qu'il était à l'époque kafir, parce que plus tard il se convertit à l'islam après la conquête de la Mecque, mais à cette époque-là, il n'était pas, quand il est allé voir Héraclius, il n'était pas encore converti à l'islam. Et Héraclius lui a posé la question, Hein? C'est quoi sa da'wa? À quoi il appelle ce messager? Et il n'a pas pu mentir, malgré qu'il n'était pas musulman. Mais ces mouchriquins à l'époque, les arabes mouchriques à l'époque, ils ne pouvaient pas mentir. C'était une honte hein, pour eux de mentir. Alors il lui a répondu la réalité de la da'wa des messagers, c'est-à-dire qu'il appelle à adorer Allah seul et à ne rien associer avec lui hein, et à délaisser l'idolâtrie et le shirk et ainsi de suite. Donc ça c'est la da'wa de tous les prophètes, de tous les messagers. Et malgré donc que Héraclius était un kafir et à l'époque Abu Sufyan, ça c'était avant qu'il se convertisse, donc il n'était pas encore musulman à cette époque-là, mais il a répondu la vérité à propos de la réalité de la da'wa des messagers. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont musulmans, qui se disent musulmans, et quand ils prient à des tombes et à des morts. Et ils disent, oui, ça c'est bien, parce que les awliyas, ils vont nous aider, ils vont nous guérir de nos maladies, ils vont nous hein, protéger, hein, ou bien des gris-gris, hein, des amulettes, ça va nous protéger. A'udhu billah. Donc ça, c'est des exemples de contradictions aussi. Hein? C'est des exemples de contradictions. Et alhamdoulilah, ça prouve aussi en même temps que ces gens-là, à l'époque, même si c'était pas musulmans, mais ils étaient honnêtes. C'est-à-dire ils n'allaient pas mentir sur le message du messager. Malgré qu'aujourd'hui, à notre époque, les gens ils se pensent beaucoup plus évolués que les gens de l'époque des Romains hein, ou l'époque des Arabes pré-islamiques, mais pourtant aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de dire la vérité quand ils parlent de l'islam. Tu vois, ces médias aujourd'hui, comment ils parlent de l'islam, ils mélangent le vrai et le faux, puis ils parlent comme s'ils ne savaient pas. Alors qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de mentir, ils donnent à propos de l'islam toutes sortes de mensonges hein, qu'on entend dans les médias, à la radio, à la télévision, dans les journaux, sur internet. Et donc, des fois, tu vois clairement que c'est des gens qui font exprès pour déformer la réalité. Hein, Allah musta'an. Donc, tout ça, c'est pour. Hein, clarifier l'importance du tawhid et d'appeler au tawhid et d'expliquer aux gens la réalité du shirk et des dangers du shirk. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera au prochain cours, bi'idhnillah. Hein? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et donc, on a conclu le chapitre sur al-khayt wal-hilaq. On avait dit wal-halaqa, wal-halqati wal-khayt. Les daf' al-bala, radd al-bala. Là, le prochain chapitre, c'est à propos de al-tama'im, al-ruqa wal-tama'im. Donc, on va mentionner, le prochain cours va commencer ce chapitre-là, inshallah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.